إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله نتحدث في هذه الخطبة عن ركن من أركان الإيمان وأساس من أسس العقيدة إنه الإيمان بالقدر وما أدراك ما القدر جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم الحديث رواه مسلم إنه من صميم الدين فما هو الإيمان بالقدر وما هي ثمراته عباد الله الإيمان بالقدر يشمل أربعة أمور دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وذكرها عامة أهل العلم الأول من مراتب القدر من المراتب الأربعة الإيمان بعلم الله السابق وأنه علم ما كان وما يكون على وجه التفصيل يقول سبحانه وتعالى وكان الله بكل شيء عليما وهذا العلم أزلي أي ليس له أول وهو متقدم على جميع المخلوقات فقد علم سبحانه كل شيء وهذا من سعة علم الله تعالى وهو إحدى صفات الله العظيمة التي لا تشابه صفات المخلوقين لا كما ولا كيفا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلمه سبحانه ليس فيه خطأ ولا ظنون علمه سبحانه محيط بكل شيء علمه سبحانه لم يسبقه جهل وإنما جميع علوم البشر مسبوقة بالجهل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وعلم الله لا يعقبه نسيان وأكثر ما يعلمه البشر ينسى فقد علم الله كل شيء ومنها مصائر العباد وهذا العلم ليس حجة لأحد بل هو تمام كمال الخالق العليم المرتبة الثانية من مراتب القدر الإيمان بالكتابة وأن الله سبحانه وتعالى كتب المقادير قال سبحانه وتعالى عن العلم والكتابة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والكتابة القدرية أنواع، أما الأولى فهي أعظمها ما كان في اللوح المحفوظ، وهو كتاب عظيم. وهناك الكتاب السنوية: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والكتابة العمرية: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. رواه البخاري. وما كتب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ما سيكون إلى يعني كتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فإن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فقال القلم: رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن، جرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويقول تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. أما المرتبة الثالثة من مراتب القدر، المشيئة. ومشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وإرادته، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذه السنة الكونية المتعلقة بحكمة الله تعالى في مخلوقاته، التي قد نعلمها وقد لا نعلمها، وهي واقعة لا محالة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وليس في مشيئة الله ظلم للعباد، بل هو العليم الحكيم. أما المرتبة الرابعة من مراتب القدر، الخلق. الله خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وهذا خلق الله، يقول تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. يقول سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ويقول: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهذا التقدير المشتمل للعلم والكتابة والمشيئة والخلق ليس حجة للعباد، وإنما لكمال علم الخالق وقدرته سبحانه. فلا يجوز للإنسان الاحتجاج به على المعاصي، لأنها واقعة بإرادة العاصي، وما وقع من غير إرادة العاصي فلا تسمى معصية، والله عز وجل أرحم الراحمين. فلا بد من إقامة الحجة على العباد المشتملة على أولا العلم، وذلك بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ثانيا كمال العقل والبلوغ، يعني كمال العقل بالبلوغ وعدم الجنون، لنفقه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ونعلم عاقبته وعاقبة مخالفيهم. يقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. رواه ابن خزيمة. ثالثا أن يكون مختارا، فإذا فقد الاختيار بسبب الخطأ أو النسيان أو الإكراه فإنه معذور، وهذا مسلم به عند الفقهاء. وتأملوا حال من أفطر في رمضان، فإن كان بنسيان فعليه أن يتم يومه وصومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه الدارقطني. وإن كان بعمد، يعني أكل أو شرب بعمد، فعليه القضاء والكفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما في رمضان، من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه الترمذي، وكلاهما بقضاء الله، يعني الخطأ والعمد كلاهما بقضاء الله سبحانه وتعالى، والله لا يحاسبنا إلا على ما أردنا بعلم وإدراك. ولذلك لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأنه نوع من التكذيب. يقول تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. فالمحتج بالقدر أبطل رسالة الرسل، بل حتى جميع شرائع وقوانين الأرض. نعم يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب التي لا يملكها الإنسان، فهي واقعة بغير إرادته، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. رواه النسائي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، فإن الإيمان بالقدر يكسب المؤمن راحة وطمأنينة وقوة في إيمانه ويقينا بالله من عدة نواحٍ. الأول: فما أصاب من مصيبة يعلم أنها لا ترد وأنها تقع وأنه لا فكاك لها، فلا يندم ولا يتحير ولا يقول لو أني فعلت وفعلت، لأنه يعلم أن كل شيء مقدر. الثاني: إن أصابه خير فلا يتكبر ويزهو، بل يرد الأمر إلى الله الذي مكنه منه. وتأملوا قول الحق تبارك وتعالى، يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا على ما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. والثالث أن العبد إذا أصابته المصيبة علم أنها من عند الله تبارك وتعالى، وأنه مبتلى بها ومختبر بها، أكسبه هذا الصبر عليها والرضا بها، فهو في مصيبته تحت نظر الله تعالى يبتليه، فإن صبر فهو خير له، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، رواه النسائي والبيهقي. ويقول أيضا: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. وتتبدل تلك المحن إلى محن وتلك الأسقام وتتبدل تلك المحن إلى منح وتلك الأسقام إلى أفراح في القلب. الرابع من ثمرات الإيمان بالقدر أنه إذا أصابه الخير فهو شاكر لربه. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي سليمان عليه السلام لما نظر إلى عرش بلقيس، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالدنيا دار بلاء بالخير والشر، يقول تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا لمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وكثير من الناس يفوت أجر الصبر. والمقصود بالمصيبة كل ما يعرض للإنسان سواء جسميا أو معنويا مهما صغر أو كبر. وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري. يعني حتى الشوكة الصغيرة يعني تذهب، يعني الله سبحانه وتعالى يكفر بها من خطايا الإنسان إذا صبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. ففي الصبر أجر عظيم. ويقول تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الحمد لله رب العالمين. Serviteur d'Allah, le sujet de la khutbah aujourd'hui, c'est la question fondamentale parmi les points de la croyance islamique. un des fondements parmi les fondements de la aqida du musulman, qui est fondamental dans sa foi. Si quelqu'un rejette cet élément de la foi, il n'est pas musulman. C'est la foi en la prédestination et le décret divin. C'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour les hommes. Et parmi les preuves de cet élément de la foi, parmi les piliers de la foi, il y a le hadith de Jibril qui est bien connu, dans lequel Jibril est venu poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour enseigner l'islam aux sahaba. Et quand il a demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi au sujet de la foi, il a dit, c'est de croire en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses anges, en le jour dernier, et de croire en la prédestination. Croire en qu'est-ce qui a été prédestiné de bien ou de mal par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie des éléments de la foi et des piliers de la foi. Donc qu'est-ce que c'est la foi en la prédestination et quels sont les fruits de cette foi en la prédestination? Premièrement, il faut comprendre qu'il y a 4 degrés et 4 conditions, si on veut, pour que notre foi en la prédestination soit valable et pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte et pour qu'on ait réellement réalisé et concrétisé ce pilier de la foi. Si quelqu'un a un problème dans un de ces 4 points, dans un de ces 4 degrés par rapport à la prédestination, sa foi en la prédestination n'est pas complète. Et le premier point, c'est de croire en l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance et la science infinie de toutes choses. Il sait ce qui était et il sait ce qui sera et il sait toutes choses éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours su éternellement ce qui allait arriver aux créatures. Il dit dans la signification de ce qu'il dit dans les versets du Coran, qu'il vous a fait sortir des ventres de vos mères, vous ne saviez rien. Hein, vous n'aviez aucune connaissance de quoi que ce soit. Et il vous a donné l'ouïe et la vue et le cœur pour que vous puissiez être reconnaissant. Et donc ça montre que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est infinie, contrairement à celle des créatures. Puisque la connaissance des créatures, elle est précédée par l'ignorance. Tandis que la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle n'est jamais précédée par l'ignorance. De même que la connaissance des créatures, elle est suivie par l'oubli, contrairement à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie rien. Et donc sa connaissance est parfaite et entière. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans plusieurs versets qu'il a la connaissance de toutes choses et qu'il connaît toutes choses. Donc cet élément-là est clair. Même si certains parmi les gens de l'égarement ont dévié dans ce point-là, et certains ont dit, Allah sait seulement ce qui arrive une fois que les êtres humains l'ont fait. Et ça c'est clair que c'est de la négation de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son nom, Al-Alim. Le deuxième degré de la foi en Al-Qadar, c'est de croire que tout ce qui arrive jusqu'à la fin des temps a été écrit dans un livre par Allah subhanahu wa ta'ala, dans la table préservée. Et il mentionne cela dans plusieurs versets dans le Coran, comme un verset dans lequel il dit ce qui signifie, certes, ne savent-ils pas que Allah sait, certes, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et cela est dans un livre, et cela est certes facile pour Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Et même que dans certains hadiths, il est mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la plume, il a ordonné à la plume d'écrire. Et la plume a demandé, et qu'est-ce que je dois écrire? Et il a dit, écris tout ce qui va se produire jusqu'à la fin des temps. Et c'était 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc tout ce qui doit se produire jusqu'à la fin des temps, Allah l'a su et il l'a écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz. Il y a aussi l'écriture annuelle au mois du Ramadan. Et il y a l'écriture pour la vie de chaque être humain lorsque l'ange descend dans le fœtus. Hein, il descend dans le ventre de la mère pour écrire sa prédestination. Après 120 jours, l'ange descend pour souffler l'âme dans le fœtus et il écrit sa prédestination, il écrit sa subsistance, il écrit son terme et il écrit s'il sera heureux ou malheureux. Tout ça sont des exemples de ce qui font partie de ce qui a été mentionné au sujet de Al-Kitaba, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit. Le troisième élément parmi les éléments de la foi en Al-Qadar, c'est de croire que tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit de bien ou de mal, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Et rien ne sort de sa puissance et de son pouvoir. Même la goutte d'eau qui tombe du ciel, la feuille de l'arbre qui tombe sur la terre, elle ne peut tomber que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait à quel endroit et à quelle fraction de seconde elle tombera. Il n'y a rien qui a été en dehors de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il est le Tout-Puissant. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran ce qui signifie qu'il n'y a pas un malheur qui atteint la terre ou vos personnes, excepté que cela était dans un livre avant de l'avoir créé. Et cela est facile pour Allah. Et donc ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est par la volonté d'Allah. Mais il faut comprendre aussi un point important, c'est que c'est pas parce que une chose Allah permet qu'elle se produise que Allah subhanahu wa ta'ala aime ou agrée cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala parfois permet que certaines choses se produisent dans l'univers qui sont des choses qu'il déteste, mais il les a permis pour une sagesse. Une sagesse, et il connaît le bien qu'il y a derrière cette sagesse. Parfois, cette sagesse peut nous échapper. Et donc, on ne réalise pas la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a permis que cette chose se produise. Mais sinon, tout ce qui arrive sur terre, c'est par la volonté d'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tout le monde soit croyant, il n'y aurait pas de mécréants. Si Allah subhanahu wa ta'ala voulait que tout le monde soit en bonne santé, il n'y aurait personne qui serait malade. Si Allah subhanahu wa ta'ala voudrait que tout le monde soit savant, tout le monde aurait eu de la science, personne n'aurait été ignorant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que certaines choses se produisent dans sa création pour mettre les hommes à l'épreuve et pour les éprouver. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé par exemple Iblis, le diable, Shaitan. Et ça, c'est un test pour les hommes. Et il y a un bien dans son existence, même si lui, il fait du mal, et même s'il appelle les hommes à l'enfer. Mais il y a un test là-dedans, et il y a une sagesse derrière ça. De même qu'il a créé les kuffars, il a créé les mushrikines, il a créé le shirk, ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il aime ces choses-là. Et donc il faut faire la différence entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et créé, et qu'il approuve et qu'il aime, et les choses qu'il a permis de se produire et qu'il a voulu, mais qui sont des choses qu'il n'aime pas et qu'il déteste, mais qu'il a permis de se produire dans une sagesse et pour un bien, un grand bien. Et la façon, comment on peut savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas dans ce qu'il a créé et dans ce qu'il a prédestiné? Comment on peut déterminer ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas? Eh bien, la façon de savoir ce que Allah aime et ce qu'il n'aime pas dans ce qu'il a prédestiné, c'est de retourner à la révélation, de retourner au Coran et de retourner à la Sunna. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran et dans la Sunna comme étant bonne, Et quand il mentionne qu'il l'aime et qu'il récompense, ça veut dire que c'est un bien. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'il aime. Et si c'est mentionné dans la révélation comme étant un mal ou un blâme, où il y a une menace qui est reliée à cette chose, et donc ça veut dire que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et il l'a créé, et il l'a permis, et il l'a voulu pour nous éprouver. Approchez-vous un peu. Donc ça c'est le troisième point au sujet de la prédestination, c'est de croire en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sa volonté absolue. Ensuite, il faut croire en le quatrième point parmi les points de la prédestination, qui est al-khalq. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Et il n'y a personne d'autre que Allah qui a créé quoi que ce soit. C'est seulement Allah le créateur de tout. Et tout ce qui existe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et Allah est le créateur de toutes choses, et il est garant sur tout. Et donc il n'y a pas un créateur du bien ou du mal, comme certains parmi les kuffars ou bien les gens de différentes religions, comme les chrétiens ou autres. Ils pensent que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le bien, puis que le diable c'est le créateur du mal. Ou bien qu'il y a un dieu du bien, puis il y a un dieu du mal. Non. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé. Le bien et ce qui peut nous paraître mal. Et même dans ce que Allah a créé qui nous paraît mal, il y a du bien dedans. Hein? Parfois on le réalise, parfois on ne le réalise pas. Et donc toutes ces conditions-là et tous ces points-là, c'est nécessaire de les comprendre comme il faut. Tout ce qu'on a créé, tout ce que Allah a créé, hein, c'est seulement lui qui l'a créé. Et même ce que nous-mêmes on fabrique, c'est Allah qui l'a créé aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Il vous a créé et ce que vous faites. Mais il faut faire la différence entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala le crée et le fait qu'il, hein, le fait de faire l'action. C'est deux choses différentes. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'acte de manger. Et nous, les créatures, on mange. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne mange pas. Mais il a créé l'action de manger. Et donc c'est différent de dire qu'Allah a créé et le fait de dire qu'il l'a fait. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il ne mange pas ou des choses de ce genre. Il ne fait rien de ces choses-là. Comme il dit, وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. C'est lui qui nourrit les hommes et lui-même il n'est pas nourri. وَهُوَ الْغَنِي. Il est le riche, celui qui se suffit à lui-même, il n'a aucun besoin de ce genre de choses. Et pour que quelqu'un soit considéré comme un pécheur qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il ait premièrement de la science. Si quelqu'un a fait un péché par ignorance, eh bien on ne peut pas dire que c'est un pécheur, puisqu'il ne savait même pas que ce qu'il a fait était interdit. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour enseigner aux hommes que le shirk, c'est le plus grand des péchés et qu'il faut croire en Allah et croire en ses livres et ses messagers. Donc il faut la science, al-ilm. Et il mentionne dans un verset qu'il a envoyé des messagers comme annonciateurs et comme avertisseurs pour que les hommes n'aient plus d'excuses ou d'arguments au jour de la résurrection contre Allah subhanahu wa ta'ala après que Allah ait envoyé les messagers. Donc quelqu'un ne pourra pas dire au jour de la résurrection, moi je ne savais pas s'il a reçu le message. Hein? Tandis que s'il était ignorant ou qu'il n'a jamais entendu parler du message, dans ce cas-là, il a l'excuse de l'ignorance. Deuxièmement, il faut que la personne ait sa raison. C'est-à-dire qu'il ait atteint la puberté ou qu'il n'est pas atteint par la folie. S'il a atteint la puberté, l'âge de raison, et qu'il n'est pas fou, eh bien, il est responsable de ses actes. Toutefois, s'il n'a pas atteint la puberté, ou il a de la folie, dans ce cas-là, il est excusé de son action, il n'est pas appelé pécheur dans ce cas-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume avec laquelle les anges écrivent nos œuvres elle est soulevée pour trois personnes. La personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. La personne qui est folle jusqu'à ce qu'elle retrouve ses esprits. Et la personne, l'enfant, hein, la personne qui est un enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne la puberté. Donc ces trois personnes-là sont excusées de faire des actes. Et c'est pour ça que s'ils font des choses qui sont interdites ou des péchés alors qu'ils sont dans ces états-là, ils ne seront pas responsables. Et troisièmement, la personne doit avoir fait l'acte qu'elle a fait volontairement. C'est-à-dire que si elle l'a fait par erreur, ou par oubli, ou par contrainte, on l'a forcé, dans ce cas-là, elle ne sera pas appelée pécheur non plus, ou elle ne sera pas considérée comme étant quelqu'un qui a désobéi à Allah. Puisque si elle a été forcée, ou si elle a oublié, ou si elle a fait une erreur, dans ce cas-là, yani, elle n'est pas responsable. Et l'exemple de ça, c'est la personne qui mange pendant le Ramadan, sans faire exprès. Hein? Et ça arrive souvent dans les premiers jours lorsque on commence le Ramadan, par erreur quelqu'un va boire un peu d'eau ou manger quelque chose, puis après il se rappelle que il jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là que quiconque mange ou boit pendant le Ramadan, eh bien yani, c'est comme si c'était Allah subhanahu wa ta'ala qui l'avait abreuvé ou qui l'avait nourri. Hein? Et il continue son jeûne normal. Il n'a pas annulé son jeûne parce qu'il n'a pas fait exprès. Tandis que s'il a fait exprès, eh bien dans ce cas-là, il doit reprendre. Et il a commis un grand péché, il doit se repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on doit comprendre que la foi en la prédestination, en Allah, subhanahu, la prédestination d'Allah, ce n'est pas une excuse pour justifier les péchés qu'on fait. Quelqu'un, par exemple, s'il fait un péché, il ne peut pas dire j'avais pas le choix, c'est Allah qui l'a prédestiné. Non, parce que chacun d'entre nous, on est libre de choisir entre l'obéissance et la désobéissance. Et si quelqu'un a commis un péché, il est responsable à 100% de ce péché-là. Donc, on ne peut pas justifier notre péché par la prédestination. Mais on peut yani, utiliser la prédestination comme raison dans les malheurs, s'il y a un accident qui se produit ou quelque chose qui arrive hors de notre contrôle. Dans ce cas-là, oui, on dit, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, on dit qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. C'est-à-dire c'est Allah qui a prédestiné cette chose et il fait ce qu'il veut. Et parmi les bienfaits de la foi en al-qadar, c'est que le croyant, il va être en paix dans son cœur. S'il lui arrive un mal, il sait que ça vient d'Allah, et donc il est patient. Et s'il lui arrive un bien, il ne va pas s'enfler d'orgueil et devenir fier, mais il sait que ça aussi, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Et il dit aussi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, que l'affaire du croyant est étonnant et tout ce qui arrive au croyant est bien. Et ça, c'est seulement pour le croyant. Si un mal le touche, il est patient. Et donc, c'est un bien pour lui. Et si un bien le touche, il est reconnaissant. Et donc, c'est un bien pour lui. Et il y a beaucoup d'autres bienfaits qui peuvent toucher les hommes. Et dans ces bienfaits-là, on reconnaît de toute façon le bienfait de croire en la prédestination. Hein? Dans toutes choses. Des fois même, des choses qu'on peut considérer comme vraiment futiles, et pourtant, les gens se disputent et se battent pour ces choses-là, alors que ça a un rapport avec le qadar. Tu vois, par exemple, des gens qui yani, regardent un sport. Hein? Et ils jouent à un sport, et ils font des manœuvres avec un ballon ou des choses comme ça. Tout ce qui se passe durant ce match, du début à la fin, c'est par la prédestination d'Allah. Donc si quelqu'un fait une erreur ou se trompe ou fait une faute pendant ce jeu, par exemple, il y a des gens qui oublient. Tout de suite, ils oublient le qadar. Et ils commencent à insulter la personne et à blâmer la personne. et il a traité de nom. Hein? Alors que cette chose qui s'est produite, cette erreur qui s'est produite, c'était par le qadar. Hein? Et donc c'est pour dire que même dans ces choses-là, il faut se rappeler que si, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak. Ce qui t'a touché, ça devait pas te rater. Et ce qui t'a raté, ça ne pouvait pas te toucher. وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. Si tous les hommes se mettent ensemble pour te faire un bien quelconque, ils ne peuvent te faire que ce que Allah a écrit. Et s'ils se réunissent pour te faire un mal, ils ne peuvent te faire que ce que Allah a écrit comme mal pour toi. Lorsque tu es conscient de ça, peu importe à quel moment, ça te donne du courage dans ta foi et dans ton cœur, et en même temps ça te rassure et ça t'aide à être plus fort. Et les sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, quand ils sont partis, hein, et qu'ils ont conquis presque la terre entière pour établir l'islam, établir la ilaha illallah, ils sont partis avec cette foi dans leur cœur que rien ne peut leur toucher, rien ne peut leur arriver que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit un bien ou un mal. Et donc ils ont été courageux et forts devant leurs ennemis, et ils ont été patients devant toutes les différentes épreuves qu'ils ont subies. Et donc on doit faire revivre cette aqidah dans notre cœur, qui est la foi en Al-Qadar, et rester conscient de cet aspect de la foi qui est un pilier de notre religion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.